Très vite sur Nostalgie, Nostalgie Dance Collector dans moins de 10 minutes. D'ici là, on rallume les étoiles avec Mylène Farmer pour la suite sur Nostalgie en vacances. Bon début de soirée. Samedi soir. Nostalgie. Bon week-end, bonnes vacances avec Nostalgie Dance Collector. C'est donc l'heure de passer la soirée au bord de la piscine pour qu'à faire pour danser et chanter avec les plus grands tubes disco, funk, dance 80 et 90 sur Nostalgie. Alors bonne soirée, les belles stars, Freddie Mercury et début de soirée sont à suivre sur Nostalgie. Nostalgie vous accompagne tout l'été sur la route des vacances. Sur la route, les plus grands tubes. Nostalgie. Leclerc. Est-ce que t'as vu que le carburant est à prix coûtant tous les vendredis, samedis et dimanches jusqu'au 13 août chez Leclerc ? Non, le carburant à prix coûtant, ça c'est un joli coup de pouce pour l'été. Ah bah surtout que ça tombe pile poil pour mon départ en vacances. Et pour mes trajets de tous les jours. Et tes sorties. Et mes week-ends. Et mes visites chez les copines. Et mes courses. Défendre tout ce qui compte pour vous. Hors station autoroute et hors fuel domestique, voire modalité dans les magasins participants disposant d'une station-service. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Sur votre route des vacances, ne commettez pas d'imprudence. Et pour voir arriver le danger de loin, pensez à garder vos distances. Et vos vacances d'été commenceront bien. Pour que vos vacances restent une belle histoire, gardez les imprévus à distance. Respectez les distances de sécurité. Sécurité routière, vivre ensemble. Beignets, chouchous, glace, boissons fraîches. Harry Meghan, scoop, potin, mots croisés, exclu people, à la pomme, au chocolat. Allez, allez, qui veut le dernier voici ? Voici la gourmandise de l'été, en vente chez votre marchand de journaux. 21h, bon début de vacances avec Nostalgie Dance Collector, les plus grands tubes disco, funk dance 80-90 en ligne de mire avec les belles stars. Comme promis, il y aura aussi Freddie Mercury, ainsi que début de soirée, c'est sur Nostalgie. Bonnes vacances! 21h minuit, Nostalgie Dance Collector sur Nostalgie. Nostalgie. Les plus grands tubes. As I lie here, thinking of you, I realize that nothing is new. Lying in my bed, thinking of you, I realize nothing is new. You say you love me, but want success. I say you're lying, nothing has this useless love affair, when it seems to me that you don't really care. I realize now, nothing is new. Time to live my life without you, without you. De France. 21h minuit. Nostalgie Dance Collector. Dance Collector. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely. So lonely. Living on my own. Nostalgie Dance Collector.

soirée avec Nostalgie. Et bon début de mois d'août avec Nostalgie Dance Collector au son des plus grands tubes disco, funk, dance 80 et 90. On va passer samedi soir bien sûr à chanter et danser en maillot de bain. Et c'est ce que vont nous proposer justement pour la suite Michael Jackson, Gilbert Montagné ainsi que les Bee Gees avant 22h sur Nostalgie. Nostalgie. Tout l'été, écoutez les plus grands tubes de Nostalgie sur Alexa. Alexa, mets Nostalgie. Je vais lancer Nostalgie en direct. Nostalgie sur Alexa et toutes les enceintes connectées. Nostalgie. Sur votre route des vacances, ne commettez pas d'imprudence, ne prenez pas votre téléphone en main et gardez votre vigilance, vos appels pourront attendre demain. Pour que vos vacances restent une belle histoire, ne regardez que la route, pas votre téléphone. Sécurité routière, vivre ensemble. Ok, je peux enregistrer ma voix sur mon profil mythique. Bon, mon week-end idéal, c'est du temps passé avec toi. Oh, c'est chelou de dire ça. Elles disent quoi les autres? Et c'est là que Sophie et Myriam ont basculé dans une vraie histoire d'amour. Moi, mon week-end idéal, c'est passer du temps avec toi. Wow, hyper fleur bleue, désolée. Avec Mythique, découvrez les célibataires au son de leur voix. Téléchargez Mythique. Leclerc. Non, des tickets Leclerc sur les premiers prix. Comment ça? Tu m'intéresses là? Regarde, jusqu'au 31 août, t'as 5% en tickets Leclerc sur tous les produits Eco Plus. Ils sont vraiment pas chers et il y a tout pour le quotidien. 5% en tickets Leclerc sur tout Eco Plus. Voilà, donc encore plus de pouvoir d'achat pour nous cet été. C'est Eco Plus Plus en fait. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Offre réservée aux porteurs de cartes. Ordre.com. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Ce serait génial que ma fille continue le basket l'année prochaine, ça lui fait tellement de bien. Bah ouais, et il y a le passeport qui fait du bien à ton budget. En plus, il y a rien à faire, hein. Si ta fille est bénéficiaire du passeport, tu vas recevoir automatiquement un mail du ministère des Sports avec un code. Tu donnes ce code à son club à la rentrée et hop, moins 50 euros sur inscription. Ça marche pour tous les sports. Le passeport est un dispositif ouvert aux bénéficiaires de l'ARS, de l'AEH, de l'AAH et aux étudiants boursiers de moins de 28 ans. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sport.gouv.fr/passe-sport. Passeport, faites entrer le sport dans votre vie. Nostalgie, les plus grands tubes. Don't you want my love? Don't you need my love? Nostalgie Dance Collector sur Nostalgie. You know, you make me feel so good inside. I've always wanted a girl just like you. Such a purity. Pretty young thing. Nostalgie Dance Collector sur Nostalgie. No matter how hard I try, you keep pushing me aside. Nostalgie. Nostalgie. Nostalgie Dance Collector sur Nostalgie. Que meu pai balança e o papo. parti forte o tambor. Avec les plus gros tubes pour danser. Nostalgie Dance Collector. Time. Nostalgie Dance Collector. Les plus grands tubes pour danser. Sur Nostalgie. Baby,

talking like in a Dolce Vita. This time we got it right. We're living like in a Dolce Vita. Gonna dream tonight. We're dancing like in a Dolce Vita. With lights and music on. Our love is made in the Dolce Vita. Nobody else than you. Samedi soir avec Nostalgie. Et très très vite, je vais pouvoir vous offrir sur Nostalgie Rick Ashley. Il y aura aussi Boule Noire ainsi que Bellini. Je vous promets également une toute nouvelle demi-heure de musique non-stop avec les plus grands tubes disco, funk, dance 80 et 90. Tout ça avant 23h sur Nostalgie en vacances. Nostalgie. Sur Nostalgie, tous les week-ends de l'été, c'est vous qui assurez la programmation. Votez en direct sur la nouvelle appli Nostalgie et écoutez jusqu'à 4 tubes de votre artiste ou groupe préféré. Ce week-end encore, les plus grandes stars. Imagination. Johnny Hallyday. Madonna. Et beaucoup d'autres. Le 4 à la suite. Samedi et dimanche à 9h, 10h et 11h. Votez tout l'été pour vos artistes préférés sur Nostalgie. Les plus grands tubes. Leclerc. Est-ce que t'as vu que le carburant est à prix coûtant tous les vendredis, samedis et dimanches jusqu'au 13 août chez Leclerc? Non, le carburant à prix coûtant, ça c'est un joli coup de pouce pour l'été. Ah bah surtout que ça tombe pile poil pour mon départ en vacances. Et pour mes trajets de tous les jours. Et tes sorties. Et mes week-ends. Et mes visites chez les copines. Et mes courses. Défendre tout ce qui compte pour vous. Hors station autoroute et hors fuel domestique, voire modalité dans les magasins participants disposant d'une station-service. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Sur votre route des vacances, pour éviter toute somnolence, le volant va devoir changer de main. Pour se donner toutes les chances de pouvoir en profiter dès demain. Pour que vos vacances restent une belle histoire, Au premier signe de somnolence, passez le volant. La fatigue, elle, ne passera pas. Sécurité routière, vivre ensemble. Thomas, tu sais le point commun sur l'app Mythique? Ouais. Bah, y en a un qui est pas vraiment commun, quoi. Et allez. J'ai dit que j'aimais cuisiner, j'aime pas cuisiner. Je déteste cuisiner, je ferais n'importe quoi pour ne pas cuisiner. Et c'est là que Thomas et Sofiane ont basculé dans une vraie histoire d'amour. Non mais t'inquiète, tu me plais quand même. Avec Mythique, découvrez des célibataires avec qui vous partagez déjà, ou pas, des intérêts. Téléchargez Mythique. Nostalgie. 22h, bonnes vacances avec Nostalgie, la radio de votre été 2023. Nostalgie Dance Collector se poursuit avec les plus grands tubes disco, funk, dance 80 et 90. En bord de mer, en maillot de bain, dans ce nouveau quart d'heure, il cache les boules noires et Bellini. 21h minuit, Nostalgie Dance Collector sur Nostalgie. Les plus grands tubes. Nostalgie Dance Collector sur Nostalgie. Thank you. Nostalgie. Nostalgie. Samba. Ah! pense à vous les amis. Et bon samedi soir avec Nostalgie Dance Collector et les plus grands tubes disco, funk, dance 80 et 90. Profitez-en bien, je vous prépare encore une demi-heure de musique non-stop pour s'éclater dans la plus grande discothèque de France. Avec au rendez-vous notamment François Fellman, Cool and the Gang, ou bien encore les Kids Créoles et les Coconuts sur Nostalgie. Nostalgie. Bonjour, c'est Philippe. Salut, c'est Sandy. Retrouvez-nous tout l'été sur Nostalgie. On passe les vacances ensemble. Nostalgie. Les meilleurs moments de l'émission, tous les matins. Nos infos, nos fous rires, tous ensemble. Et à tout moment, en podcast, sur l'appli et sur nostalgie.fr. Sur Nostalgie, tout l'été. Bonne musique, bonne humeur. 6h-9h. Les matins de Nostalgie. Le best-of Philippe et Sandy. Leclerc. Est-ce que t'as vu que le carburant est à prix coûtant tous les vendredis, samedis et dimanches jusqu'au 13 août chez Leclerc? Non, le carburant à prix coûtant, ça c'est un joli coup de pouce pour l'été. Ah bah surtout que ça tombe pile poil pour mon départ en vacances. Et pour mes trajets de tous les jours. Et tes sorties. Et mes week-ends. Et mes visites chez les copines. Et mes courses. Défendre tout ce qui compte pour vous. Hors station autoroute et hors fuel domestique, voire modalité dans les magasins participants disposant d'une station-service. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Nostalgie, les plus grands tubes. Nostalgie Dance Collector sur Nostalgie. J'étais déjà pardonné. Ta souris a à mon père. Tati, je peux pas le refaire. Can't be. No one

Guinness bouquet, gazé, fit tout mélangé, grâce pour tout coller. Et à qu'à rouler, swinguer, secouer à nous, à jamais nous tout lier, couleur et sans mêler. Et à qu'à danser, cadencer, figuer, souquer, gazer, fille, tout mélanger, passer pour tout coller. Et à qu'à rouler, swinguer, secouer à nous, 21h minuit. Nostalgie Dance Collector sur Nostalgie. Nostalgie Dance Collector sur Nostalgie. Nostalgie Dance Collector sur Nostalgie. We'll be right back. Collector. Or at least Nostalgie. Nostalgie. Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of Ma Baker, the meanest cat from old Chicago town. Nostalgie Dance Collector sur Nostalgie. The red, white, and blue. 23h, bonnes vacances avec Nostalgie Dance Collector, avec les plus grands tubes disco, funk, dance, 80-90. On enchaîne bien sûr avec notamment De Barge, Salomé Le Baya et MC Hammer sur Nostalgie. Bonne fin de soirée. 21h minuit, Nostalgie Dance Collector sur Nostalgie. Les plus grands tubes.

vacances à vous les amis. Et Nostalgie Disco Fever reviendra tout à l'heure à minuit jusqu'à 2h du matin évidemment sur Nostalgie. D'ici là, bon début de vacances aux Aoussiens en bord de mer avec notamment les plus grands tubes disco, funk, dance 80 et 90 de Michael Sambero, Chaka Khan, Ugano Kor, Earth, Wind and Fire, c'est ce qui se prépare avant minuit sur Nostalgie. Nostalgie. Cet été sur Nostalgie, des cadeaux à gagner toute la journée. Jouez au blind test de l'été. Dès demain, 8h15, 10h15 et en fin d'après-midi, 17h15. Le blind test de l'été. Venez jouer au bord de la piscine. Le DJ vous attend. Nostalgie. Les plus grands tubes. Nostalgie, les plus grands tubes. Nostalgie Dance Collector sur Nostalgie. 21h minuit. Nostalgie Dance Collector. Sur Nostalgie. Nostalgie Dance Collector. Precious little diamond, I leave it all to you. Precious

jusqu'à minuit. Nostalgie Dance Collector, la plus grande discothèque de France sur Nostalgie. Bring it back to me. When you are ready, I will surrender. Nostalgie Dance Collector. Les plus grands tubes pour danser. Sur Nostalgie. Thank you. Nostalgie Dance Collector, la plus grande discothèque de France sur Nostalgie. Nostalgie. Let me sing with you. avec les plus gros tubes pour danser. Nostalgie Dance Collector. Très bon début de nuit, bonnes vacances bien sûr avec Nostalgie Disco Fever jusqu'à 2h du matin avec notamment Village People, Jalin Hunt et puis Jocelyn Brown dans ce nouveau quart d'heure. Et puis nous on se retrouve tout à l'heure demain dimanche bien sûr à partir de 18h. D'ici là, je vous embrasse bien bien fort et prenez soin de vous avec Nostalgie dans la radio. Nostalgie Disco Fever.